Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues FR. Salut toutes tous. Pour ce cinquième épisode de Blues FR, je vous propose Rosedale, Tiger Rose et Touch of Groove. Et en fin d'émission, les deux vieilleries, il y a 10 ans, Blues Power Band, et il y a 20 ans, Big Brazos. Rosedale est un groupe de blues rock alsacien. Voici ce qu'en dit le magazine Rolling Stone, version française bien sûr. Troisième album studio, signé Rosedale, qui redore le blason d'un blues rock français quelque peu moribond, avec une précision désarmante. Qu'il s'agisse des envolées d'Amandine Rose ou des riffs de guitare de Charlie Faber, le duo alsacien ne s'encombre d'aucune fioriture et frappe en plein dans nos cœurs de rockeurs. Claque classieuse, simple et efficace, serait-ce l'album qu'on attendait dans le paysage musical français ? Brûlant d'une honnêteté essentielle, d'une urgence merveilleuse, l'opus éponyme fourmille de tubes en puissance. When you tell me that we're done, that somewhere we went wrong, and love has come and gone. A brand new slate. When you let them know that it's too late, no one wants to lose control. Push to the edge of the hole. They'll try anything not to fall. Et voici maintenant la chronique de Blues Magazine. Le couple Amandine Rose et Charlie Faber animé depuis 2016 par le même idéal des chansons bien troussées, veut s'abolir dans le pop-rock concis et contrasté pour renaître à plus grande échelle. Ce troisième album est plus qu'un produit de consommation sérielle voué à disparaître. La persistance résiduelle du blues est à chercher dans les paroles. La plume qui s'agite est celle des profondeurs de l'âme. Mais la lumière est chatoyante au bout du tunnel. Le groupe, fort de son passé, est encore en capacité de ménager la chèvre et le chou en concert. Voici maintenant l'inquiétante étrangeté de Ghost, mise en image au château de Cognac. Tiger Rose est un duo de la région bordelaise. Leur deuxième disque s'appelle It's Gonna Get Wild. Voyons un peu ce qu'en dit Blues Magazine. Voici le deuxième CD de Tiger Rose. C'est un bien bel album. C'est un disque de Boogie Blues Roots acoustique, comportant 11 chansons toutes écrites par Mig et Loretta. La particularité de cet opus, c'est qu'il fut conçu à l'ancienne, tout a été fait à la maison, l'enregistrement, le mixage, les arrangements. Cela nous donne un résultat remarquable. Le duo se partage le chant, ce sont deux voix qui mériteraient de faire du gospel. C'est leur bébé, le second. Il va sûrement avoir autant de succès que le premier. I was standing on the roadside, waiting for my luck to change. Alamo snuffing in my bag, like a hobo in the rain. A big black car stopped near me. I feel my voice said, come on, boy. Seemed like the devil had found me. I felt a cold sweat and then I said, I ain't in no hurry, man. I ain't in no hurry, man. Hell is no place to stay. No, I ain't in no hurry, man. When the devil takes you home, he's charming and very kind. Here's a good drive, you can relax. Won't give you anything to sign. In his eyes you see the future. You don't think about your past. You're comfortable in your seat, wondering how long it's gonna last. I ain't in no hurry, man. I ain't in no hurry, man. Hell is no place to stay. No, I ain't in no hurry. I had my share of troubles. Years ago, I killed a man. Please listen, Mr. Satan. Got through what drove me insane. The big black car slowed down. Then he turned on me and said, it's got bad irritation, you know. But maybe you will like it. Place to stay. I ain't in no hurry, man. My story ends, folks. I'm talking to you from the low. Everyone is pretty nice here, you know. Feel lighter without a soul. I ain't in no hurry, man. I ain't in no hurry, man. Hell is no place to stay. I ain't in no hurry, man. I ain't in no hurry. Dans Soul Bag, il parle des griffes du blues. Le duo bordelais Tiger Rose a publié un premier disque de haut niveau intitulé Boogie Blues and Roots en 2020. Rien de surprenant, car il ne s'agissait pas de premiers venus. Loretta et Mick Tocro brillent sur la scène française depuis très longtemps, enchaînant les projets avec talent. Cette rose tigre étant peut-être un aboutissement fusionnel de leur passion blues et country, voici donc leur deuxième album intitulé It's Gonna Get Wild. Et nous passons maintenant au troisième album de l'émission. C'est Touch of Groove, un premier album d'un nouveau groupe. Voici ce qu'en dit le site Blues Again. Ils sont modestes car le groove, ils en ont un peu plus qu'un peu. Sans tomber dans le piège de la nostalgie, le band interprète une soul music comme l'a laissé entendre les productions Stax et Atlantic Records dans les années 60. La formation est nouvelle, mais ses membres ne sont pas des débutants. Sylvain Lansardière au clavier a œuvré au sein d'Elise and the Sugar Sweets. Pascal Guégan a été l'un des deux guitaristes du Blues Power Band. Quant à Letty Matiotis, on sait seulement qu'elle a fait vibrer ses cordes vocales sur des scènes lointaines, notamment australiennes et néo-zélandaises. L'album présente 8 compositions et une reprise d'Aretha Franklin. C'est un concentré de sensualité et de dynamisme. C'est chaud, puissant et plein de bonnes vibrations. Un vrai régal pour les amateurs. « le chroniqueur de Paris Move et de Blues Magazine, nous dit ceci. Pour que deux piliers de la scène blues et soul française décident de s'affranchir de leurs formations respectives, il faut assurément d'autres motivations que financières. Le guitariste Paco Duke, Pascal Paco Guégan, fonda ainsi le Blues Power Band, et le claviériste émérite Sylvain Lansardière fut quant à lui à l'origine d'Elise and the Sugar Sweets. Ces deux spadassins résolurent d'unir leurs talents pour sertir un nouveau diamant brut en la personne de la chanteuse Letty Matiotis. Bien qu'ils se défendent tous trois de toute démarche revivaliste, la couleur de cet album ne s'ancre pas moins au cœur des swinging 60s, notamment anglaises, en cette période bénie où, selon la vogue du mouvement mode originel, des formations telles que le Steam Packet de Long John Baldry et Georgie Fame embrasaient les dance floors de leur inextinguible rhythm and blues, sachant comme Stevie Winwood et Brian Auger en leur temps opérer la synthèse entre Booker T et Jimmy Smith. Le Hammond B3 de Sylvain confère en effet à certaines de ses plages une dimension réminiscente du Spencer Davis Group initial. Que notre hexagone se révèle à même de susciter pareille vocation s'avère déjà un événement en soi. Il ne vous appartient désormais plus que d'y prêter l'oreille pour succomber à votre tour. Et enfin, sur le site Text, Blog and Rock'n'Roll, voici un petit extrait de la chronique du disque. C'est bien là la démarche de Touch of Groove, s'inspirer des grands classiques rhythm and blues des 70s et 60s, mais sans verser dans l'hommage nostalgique. Au contraire, les compositions originales s'inscrivent dans l'actualité en parlant par exemple de la crise sanitaire ou de sujets plus intemporels tels l'oppression des dirigeants politiques et les relations hommes-femmes. Écoutons maintenant Evolved World, Touch of Groove. Look at you, slammed on your armchair. You've been watching that miss long, being helpless. How'd you see me as just slave? I ain't your mother bothering, baby. It's distressing. Here I go again, being considered for something else. That what I am, what do men think? Et nous voici arrivés au terme de l'émission avec nos séquences vieillerie. La vieillerie d'il y a 10 ans, c'est Blues Power Band, Dark Room. Hein, on reste avec Paco Duke qui joue dans Touch of Groove. Eh bien, il faisait aussi partie du Blues Power Band. Voici ce qu'en disait Paris Move il y a donc 10 ans. Entrée tonitruante chez Dixie Frog de la bande du BPB. Hervé Baniche, Joachim au chant, Pascal Guégan aux guitares et au chant, Régis Papy Gratteux Lavis aux guitares, aux percussions et au chant, Nicolas Paulin à la basse, Olivier Picard Batus à la batterie et aux percussions, et enfin Damien Cornelis au clavier, nous balancent leur nouveau-né dans les gencives. What you get? Like a cage for nations is going to fall down. The drunk, the wine of the passions, and now you're down on the ground. Your time is coming, falling with the town. You better leave flesh, keep it. La surprise, elle est dans ses tentatives d'aller justement ailleurs musicalement. Trouver un second souffle pour mieux rebondir et avancer. Car le groupe ne manque pas d'ambition. La musique se fait plus heavy sur cet album, plus rock et moins blues. Et paradoxalement, jamais le groupe n'a autant travaillé sur les voix, sur les ambiances comme ici. Écoutons un deuxième extrait de l'album de Blues Power Band, paru en 2012, Dark Room. Say you don't know his name, but he still loves you. You say that you don't care, you are not in love. But when you're feeling bad, he's looking at you. When you're glad, when you're mad, when you're sad, he cares for you. You don't know just what you do. You don't know it's just a feeling inside. It's up to you, you don't know. Say you don't know her name, but she still loves you. And now you plead not guilty, you were not alone. Don't know what to do, don't know what to say. It could be too late, but now we're on the way. You don't know just what to do. You don't know. Just a feeling inside. stands by your side. Et voici la vieillerie d'il y a 20 ans. Big Brazos, le CD s'appelle toujours Une drôle d'histoire. C'est une autoproduction. Et sur le site Bleu Blanc Blues, voici ce qu'en disait Joël Bison à l'époque. Voilà une drôle d'histoire contée par quatre musiciens de talent. Dernier samouraï du bluegrass, résistant aux assauts répétés des musiques actuelles. Cet opus à vocation électroacoustique nous balade sur les traces du country blues. Propre, pur, agréable, interprétation des Big Brazos vaut sa pépite d'or. La balade You Better Listen coule tranquille comme la sève d'un séquoia. Someone tell you she loves you. Everybody's gonna be loving any son, yeah. What a fool I have you. You better listen. Ooh, what I say. You know why I'm sure I know you. Really gonna lose your head. One man tell you she loves you. One one on steel. Even say when I'm two months and far and days, you would get a decent meal. You better listen. Ooh, what I say. You know why I'm sure I know you really gonna lose your head. Amateur de grand espace et d'air pur. En trois actes, ce quartet parisien réarrange à sa sauce des rythmes qui ont été le creuset du country blues actuel. Une galette régénérante donnant l'impression de bien-être où votre praticien favori, le docteur blues, Jérôme Travers pour l'état civil, donne de la voix et de la guitare. On survole la Louisiane dans un excellent Zydeco. Ta tête est dans la mienne, Big Brazos. En veillant, je suis au bal, chez la guinguette au Michel. En veillant, je suis au bal, chez la guinguette au Michel. J'ai briqué mes sandales, je me suis fagoté nickel. Il y avait des adécos et des jolies demoiselles. Il y avait des adécos. Mais pas assez de slow, ta tête est dans la mienne. femme de Gédéon. Elle voudrait bien qu'on l'aime. Elle m'a fait des bricots, m'a dit je serai tienne. Elle m'a fait des bricots, m'a dit je serai tienne. J'ai pas touché sa peau, ma tête est dans la mienne. C'était l'émission Blues FR. Bonsoir.